indigène, texte d'identité, street album, 100% indépendant, vas-y viens, mets-toi dans l'ambiance, c'est pour toute la jeunesse de France. Écoute, c'est mon autobiographie, mon texte d'identité. 2008, indigène a décidé de s'agiter. Street, album balancé dans le tiéga. A l'occasion, je renvoie une dédicace pour mes frères au placard. Sur feu, je décris la rue, seulement ce que mon œil a vu. En partant d'Alepo, c'est ça jusqu'à la rue. J'ai vécu, grandi dans une ambiance de voyous, de bandits. Je te garantis, le paradis ne se trouve pas ici. Depuis ma naissance, je suis encore dans le même appartement. Apparemment, je suis éduqué n'importe comment. J'ai le pressentiment qu'ils nous l'ont mise bien profond. C'est ça qui me détruit de pire quand je vois des larmes qui s'effondrent. Putain, franchement ils nous ont pris pour qui, pourquoi? Mes parents n'ont toujours pas de CDI. J'ai parti, ces fils d'immigrés qu'on a sali. Une enfance pourrie dans un pays assez riche. J'suis blasé, stop, arrêtez vos blabla. C'est vrai que j'suis pas top, acceptez ma couleur mal. Arrêtez tous vos discours à la con. N'y crois plus comme toutes vos promesses jetées au balcon. J'me travaille dans la rue, la tête dans les étoiles. Je sais ce qui pourrait me réveiller, une femme qui porte le voile. Voilà, ça c'est une des choses qui me tracasse. Plus de femmes sérieuses, 80% de pétasse. C'est nos textes, nos sexes identités. Entre tous leurs mensonges et toutes nos vérités. C'est la merde, est-ce qu'on l'a vraiment mérité? Quand ils veulent, ils te servent en toute égalité. C'est nos textes, identités. Entre tous leurs mensonges et toutes nos vérités. C'est la merde, est-ce qu'on l'a vraiment mérité? Quand ils veulent, ils te servent en toute égalité. Indigène, voilà notre identité. Nos textes et nos thèmes ne sont pas limités. Qu'ils ferment leur gueule car on ne vient pas imiter. Et tous leurs mensonges nous ont bien irrités. Frérot, c'est la merde, je veux pas de leur charité. Mais juste voir les miens goûter à toute variété. Le zonard, depuis mes 20 années, y'a connard. Ils nous appellent pas des bas années. Le temps passe et je me rends compte qu'on m'a berné. Faut que je me casse, frère, j'ai plus l'âge d'être bercé. Ok, je prends le relais en plein couplet. Ça fait mal, ça brûle comme tu rentres dans une plaie. J'ai la dalle et je crois bien que ça se voit. Méfie-toi, le chétan est toujours derrière toi. Mon parcours, ma jeunesse, peu efficace. C'est bloqué dans mon crâne, elle m'a même laissé des traces. C'est atroce, je me reconnais même plus dans la glace. Hier j'étais qu'un gosse, je suis devenu un chien de la casse. Rien n'a changé, ici rien n'a bougé. Les immeubles sont occupés par les mêmes étrangers. C'est nos textes, nos textes identité. Entre tous leurs mensonges et toutes nos vérités. C'est la merde, est-ce qu'on l'a vraiment mérité? Quand ils veulent, ils se servent en toute égalité. C'est nos textes identité. Entre tous leurs mensonges et toutes nos vérités. C'est la merde, est-ce qu'on l'a vraiment mérité? Quand ils veulent, ils se servent en toute égalité. Parmi tous leurs mensonges, j'ai su tracer ma route. Ils veulent nous voir jeter l'éponge, mais y'a autre chose à foutre. Ne confonds pas, le loup et la loutre. Le texte et la lettre, la porte et la fenêtre. Ils veulent induire en erreur, sont beaucoup plus dingues. Je reste fier, fidèle à mon cuir et ma paire de requins. Les rêves, moi, je crois que j'en ai aucun. À part voir mourir leur loi et faire sortir les miens. Je suis loin d'être un saint, et trois cousines, t'es pas une sainte. Mes dossiers sont anciens. Et cet enfoiré t'a mis enceinte. La vie nous a donné des coups et dans nos textes y'a pas de feinte. Les MC sont voyous, mais caillent juste sur les enceintes. Même tes mains reprises, je me suis cassé la gueule. Et ouais, y'a pas de surprise, ça arrive qu'à ceux qui en veulent. J'suis pas de la vieille école, même si j'gamberge à l'ancienne. Même si parfois j'déconne, je garde toujours mon enfer. Avec des femmes mignonnes, j'aurais pu faire mon futur. Mais j'ai les mots qui cognent et le caractère qui est trop dur. Regarde nos textes et notre identité, beaucoup trop se vexent car on ne vient pas imiter. L'impression d'être l'intrus dans ce milieu si merdique, car chaque jour ça me tue. De me dire musulman dans la musique, enfermé, dans mon propre head. Faut que je mène mon jihad contre mon propre nef. C'est nos textes identité. Entre tous leurs mensonges et toutes nos vérités. C'est la merde, est-ce qu'on l'a vraiment mérité? Quand ils veulent, ils se servent en toute égalité. C'est nos textes, nos textes identité. Entre tous leurs mensonges et toutes nos vérités. C'est la merde, est-ce qu'on l'a vraiment mérité? Quand ils veulent, ils se servent en toute égalité. Égalité. Indigène, indigène, texte d'identité, texte. La claque de Dijon. Ok, ok. Indigène, indigène, toi-même tu connais le blaze à la base. C'est de la merde, tu me douceur nos phrases. 21 000 fontaines douches. Fontaines douches.